Et faire, ça veut dire se relâcher. Voilà l'injonction qu'il lui donne maintenant que tu as abandonné ton premier amour. À Smyrne, il va parler, sois fidèle jusqu'à la mort, parce que le Smyrne vient du mot, la myrrhe qui symbolise la myrrhe qu'on mettait pour le cadavre. C'est l'odeur de la mort qui était dans cette période-là. Les gens pouvaient, pouvaient mourir martyrs. En Philadelphie, Philadelphie, c'est l'amour fraternel. Les gens qui n'ont pas de puissance, mais ils s'aimaient ardemment, quel qu'en soit le prix. Donc les noms sont choisis par le Saint-Esprit de façon prophétique. Vous y êtes? Dans cet Apocalypse chapitre, j'en ai avancé là maintenant. Je vais lire ce qu'il veut lire, citer ce qu'il veut citer, mettre les poteaux, vous servir des verres et on boit. On y va? Amen. Dans cet Apocalypse chapitre 3, l'époque de l'Odyssée est répartie sur 6 versets, des versets 14 au verset 20. Dans ces 14 à 20, il est écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Tu dis, l'Odyssée, la période de l'église, les gens de l'église eux-mêmes ils disent, nous sommes riches. L'église dit, tu es riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et pourtant, tu ne sais pas. L'église de l'Odyssée est ignorante de son état, la pauvreté spirituelle. Que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Je te conseille, un conseil est demandé à l'église de l'Odyssée afin que quelque chose n'arrive. Je te conseille d'acheter de moi de l'or et de pouvoir pas le feu. Vous y êtes, des vêtements pour te vêtir afin que des hontes de ta nudité ne paraissent point. Et un collier pour un de tes yeux afin que tu puisses voir. Vous y êtes, très bien aimé. Je reprends et je châtie qui, tous ceux que j'aime. Je ne reprends pas tout le monde parce que tout le monde ne m'appartient pas. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Vous y êtes d'accord? Ok, maintenant. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, quelqu'un dit que ce n'est pas la porte de son cœur. Voilà. Si quelqu'un entend ma voix, oh, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous y êtes? Si quelqu'un a les oreilles qui entend ce que l'Esprit dit, pas aux païens. Quelqu'un dit pas aux païens. Aux églises. Aux églises. Maintenant. Ça termine là-bas. Verset 21 dit que à celui qui vaincra, je le ferai asseoir. À celui qui vaincra durant cet âge, je l'enlève. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon père sur son trône. Subitement, chapitre 4 commence. La voix que j'avais entendue dit, viens, monte ici. Donc, l'âge de l'église de l'Odyssée s'achève avec l'enlèvement. Votre Apocalypse est donc réparti ainsi. Apocalypse chapitre 1, introduction et révélation de Jésus-Christ à Jean par rapport à l'appel ministériel pour l'Église et pour la nation. Donc le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 à la fin, il s'agit de l'Église et lorsque ça s'achève, l'Église est enlevée. Du chapitre 4, c'est pour ça que c'est justement pour cela que je vous ai donné depuis le chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, on parle des 1. La prostituée. Les gens qui n'ont pas été enlevés. D'Israël. De ce qui se passe sur la terre et l'adoration qui se passe en haut. Ceux qui sont en haut. Au chapitre 19, donc, on parle maintenant de ceux. Vous allez voir, on dit quelqu'un descend du ciel avec sur le cheval blanc. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Vous pensez que c'est qui la frère? Hein? Le Seigneur, avec qui? Il vient avec qui? Avec? Avec les? Qui? Les anges ou bien les hommes? Qui? Les? Donc les anges sont mélangés avec les saints. Ok. Quitte là-bas. Donc l'église qui est partie au chapitre 3 revient maintenant cette fois-ci. On a dû mettre le premier par rapport à l'enlèvement, n'est-ce pas? Il revient. Alors c'est ça que le prophète Enoch avait vu longtemps même avant que Moïse vienne en naissance. Lisez dans votre Juge verset 14 que le Seigneur, c'est, il dit c'est pour eux que Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement qui est écrit et pour punir ceux qui ont porté contre lui des juges, des propos injurieux. Donc dans Juge chapitre 1, le verset 14, donc c'est écrit là-bas. Alors l'enlèvement donc se passe donc à l'église de l'Odyssée. Et donc, il dit donc que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. C'est la première révélation là-bas. Il dit à celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Parce qu'il part, les enlever pas de prendre directement la place au souper. Il dit que à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon père sur son trône. Ça commence à nous poser un vrai problème ici. À quel moment l'enlèvement va se situer? L'église va-t-elle, oui ou non, passer par la grande tribulation? L'église va-t-elle passer par la grande tribulation? L'épouse passera-t-elle? Non. Voilà, l'église, applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Voilà. Donc, au moins, si Dieu m'enlève, je sais que l'église est mûre. Donc, si Dieu m'enlève, je sais que l'église est mûre. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à maturité. Ces deux nations-ci également, comme l'église et Israël, c'est un casse-tête chinois pour les théologiens. Que l'église va passer à la grande tribulation. Dis à ton voisin, toute l'église n'est pas l'épouse du Seigneur. Toute l'église n'est pas l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur, c'est l'épouse du Seigneur. C'est l'épouse du Seigneur. Voilà. L'église, c'est l'église. C'est l'église. Voilà. Donc quelqu'un peut se réclamer être de l'église du Seigneur, Dieu ne le connaît pas. Et en fait, là, voici encore une autre chose. Maintenant, si ça peut vous choquer, ça vous choque, mais je suis un homme comme vous, pas vrai? Amen. J'ai mon épouse. C'est moi qui l'ai choisie pour qu'elle soit mon épouse. Même si tu viens encore, pour que frère, je ne le vois, c'est son problème. J'ai mon épouse. C'est n'est-ce pas? Si vous pouvez saisir avec le Seigneur, saisissez. Le Seigneur choisit son épouse. Quand il choisit son épouse, il prend soin de son épouse. Vous y êtes? Ok, son épouse se prépare donc. Son épouse se prépare. Vous savez, il y a des. Les autres séduisent, non? Donc, quand quelqu'un parle, il va te dire, frère, je n'ai pas me voir. J'ai des problèmes. Hein? Pourquoi on voit? Mais j'ai une épouse. Les gens comme ça sont les prostituées. Donc, si tu n'es pas son épouse, tu ne peux pas être son épouse. Ok, donc l'enlèvement va avoir lieu. On va examiner dans la Bible maintenant. Les passages qui nous parlent de l'enlèvement. Il faut qu'on regarde dans quel cas c'est situé, à quel moment ça va arriver et comment y être prêt. La première chose que je vais vous dire, c'est d'abord ceci. C'est établi dans la Bible que tous ceux qui vont passer dans l'enlèvement le sauront. C'est établi dans les Saintes Écritures que tous ceux qui vont aller dans l'enlèvement sauront distinctement que je serai enlevé. Je ne dis pas la qualité qu'on dit que non, je crois qu'il sera enlevé. C'est pas ça. Et force-toi de croire, tu ne croiras pas de la bonne façon. Vous y êtes? Ok, s'il est établi, on va voir dans le développement donc, comment c'est établi. On va voir donc dans les types, quand il parle des types, on dit que l'ancien testament va dans l'ancien testament voir les choses qui annonçaient l'enlèvement. Et on va voir toutes ces choses-là. Maintenant, permettez-moi de mettre autre fondation. On peut y arriver, on peut creuser. Première fondation, premier poudre. Un verset de la Bible peut regorger plusieurs prophéties espacées de plusieurs années. Première fondation. On peut aller, je dis bien, un verset biblique peut contenir plusieurs prophéties séparées de plusieurs années. Ces fondations seront claires. Parce qu'il ne faut pas que quand je vous montre que je dis que, regardez ici on parle d'Israël, à partir de là on parle de l'Église. Ça commence à vous créer des problèmes. Donc il faut d'abord que je mette ces fondations, je vous montre les exemples dans la Bible pour que vous ne soyez pas dérouté, d'accord? Je vous montre les exemples dans la Bible là maintenant. Merci Père. Jean chapitre 19. Jean, le chapitre 19. C'est la première fondation. Il faut qu'on cimente la poutre là. On met les cailloux, on met la terre, on fait un peu en sel. Les maçons qui sont au milieu de nous comprennent mieux. Donc les fondations doivent être mises. Tu vas faire, Michel. Que la maison soit solide. Bien aimé, c'est pour qu'on se prépare à la venue du Seigneur. Remarquez très bien encore une fois, puisque le titre là, je n'ai pas dit, c'est préparer au retour du Seigneur. Parce que le retour du Seigneur, ce n'est pas ça que nous attendons. Nous attendons la venue du Seigneur. Où est la différence? Vous connaissez la différence entre la venue et le retour, pas vrai? Ok, on va avancer maintenant. Donc, j'ai dit quel livre? Jean 19. Chapitre 19, lisons à partir du verset 13. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Oui. Et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé. Oui. Et un hébreu, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit au juif, voici votre roi. Mais ils les dirent, ôtez, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Amen. Frère, il y a des événements tristes dans la Bible, mais il faut que ça arrive ainsi. Il y a des événements tristes dans la Bible, mais il faut qu'on arrive ainsi. Voici un païen qui vient avec leur roi. Il dit que, est-ce qu'il veut que je suive votre roi? Les gens dont c'est leur roi refusent. Ils disent, nous n'avons des rois que César. En fait, peut-être vous ne comprenez pas là où ils sont en train de venir. Ils ont fait ça sous l'Ancien Testament. Quand celui qui est devant eux était en esprit. Un de ces juges ont sorti, il les a conduits pendant le désert, arrivés dans le pays, arrivés quelque part. Il dit, choisis un roi sur nous, comme les nations. Nous voulons avoir quelqu'un comme César dominer sur nous. Le prophète a regardé comme ça, il dit, oh, les gars se sont cuits, qu'est-ce qui est arrivé? Père, il dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Donc, il venait de dire clairement que leur Messie vient, donc ils ont rejeté. C'est pour ça qu'ils ont rejeté depuis l'Ancien Testament. C'est le frère? Vous me saisissez? Donc, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament par rapport au rejet des dieux, c'était la prophétie par rapport au rejet de Christ. Vous me saisissez? Ok, je vais encore redire encore une autre pour que vous me saisissez. Tout à l'heure, nous avons lu Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 25. Nous avons lu ça. Tout à l'heure, quand on voyait toute la famille de la terre seront bénies en toi. Il dit, vous êtes tous les fils des prophètes, les fils de l'Alliance. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Regardons, remontons un verset plus tôt. Et frère, si vous attendez que je vous la Bible, vous voyez. Il dit remontez tout simplement. Je vais citer ce qui s'y trouve. Je veux seulement que vous voyez. Quand vous aurez de ça devant vous, je vais citer ce qui est écrit là-dedans. Au moins, vous me connaissez comment je prêche. C'est quelque part, vous savez, on m'a invité quelque part d'aller prêcher. On a fait une semaine là-bas, on prêchait. Je suis venu déposer la Bible, j'étais allé parler. J'attendais que j'ai fini de parler, Dieu me l'a dit, comment donner le passage. Il dit, mon frère, ça en est sorti. Donc, depuis que tu as des prières, on s'est dit ça. J'attendais que, vous savez, quand les gens sont déjà confinés avec un moule, une forme, on dit que maintenant c'est l'introduction, je vais introduire mon truc. Je donne le cœur passage, après fini. Maintenant c'est le corps du devoir. C'est pas comme ça, frère. Donc, verset 24, maintenant, observez le verset 24, vous y êtes. Verset 23 et 24, il va commencer à parler de Moïse et de Jésus. De la demande des Juifs qu'ils ont fait sous Moïse. Vous remarquez? Vous y êtes? Nous sommes dans Actes chapitre 3, verset 23 et 24 là-bas. Il parle donc de ces choses. Avant de toucher le verset 25, il a parlé que vous êtes dans la postérité des fils des prophètes. Je veux que vous observez cela parce qu'il veut dire quelque chose par rapport à l'Ancien Testament. Vous saisissez? Ok. Maintenant, remarquez très bien la façon que l'apôtre Pierre va encore le dire cela. Il dit que Moïse a dit, premièrement, que Dieu va susciter un prophète comme lui. Il va citer exactement ce que Moïse avait dit dans le livre d'Exode, chapitre 22 et chapitre de Deutéronome, chapitre 15. On peut avancer, frère? Ok. Donc, il dit que Moïse a dit qu'il va susciter un prophète comme moi. Et que tout le peuple qui ne l'écoutera pas sera voué à l'extermination. Pas vrai? Ok, maintenant, c'est que l'apôtre Pierre de les citer se trouvait où, si vous avez lu l'Ancien Testament, vous allez savoir de quoi il est question. C'est l'assemblée sur la montagne à Horeb, sur le Sinaï, quand Dieu est descendu dans la puissance des feux. Pendant qu'il parlait, toute la détention était là. Et le peuple a dit qu'il ne parle plus de peur que nous mourions. Vous vous souvenez de cela? Alors, ils ont demandé à Dieu que c'est. Ils ont dit à Dieu que Moïse, que toi tu parles, qu'il parle et toi tu vas nous parler. Et c'est là où cette prophétie-là, il dit Dieu, oh, c'est terrible. Frère, c'est grave. C'est que Dieu dit, ce qu'ils ont demandé est bien. Dis-leur que c'est pour ça que je vais les susciter du milieu d'eux, leurs frères. Voici une génération qui se trouve ici. Ils sont en train de dire à Dieu de parler au travers de quelqu'un d'autre pour que Dieu puisse le dire. Dieu dit que, ok, ce qu'ils ont demandé, c'est bien. Pour que je les parle donc maintenant, il faut que je suscite du milieu d'un frère. Ils s'attendent à ce que Dieu fasse quelque chose pour que je puisse parler là. Cette chose vient s'accomplir des milliers d'années à vous. Les gens qui demandaient cette chose-là à Dieu ne sont même plus là. Vous avez suivi la chose maintenant? C'est pour ça que j'ai dit, première fondation. Un verset biblique dit quelque chose, ça se réfère à plusieurs milliers d'années. Vous y êtes? Mais pourtant, pour eux, instantanément, il va effectivement parler au travers de Moïse. Désormais, on a dit que, dit, Moïse vient dire, ainsi parle l'Éternel. Donc finalement, dans ce verset, il répond à leurs préoccupations et aux préoccupations futures dans le même verset. Vous saisissez? Il va encore prendre d'autres exemples que vous saisissez. Jusqu'à pour que ça puisse. Je sais que vous avez saisi, mais pour qu'on puisse avancer. On y va. Si vous lisez dans les évangiles, vous allez remarquer donc que Jésus-Christ, après avoir été arrêté dans ce Jean chapitre 19 que je vous ai donné, avant d'arriver devant Pilate, on l'amène devant d'abord le souverain sacrificateur. D'abord devant le souverain sacrificateur. Il dit que, es-tu le roi? Lui, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Après, il va lui dire quelque chose. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées avec une grande gloire. Frère, Jésus se tient là, les souverains sacrificateurs se tiennent là-bas. Ils n'ont jamais vu cela. Donc, Jésus n'est pas en train de parler à eux. Et la Bible nous montre que quelqu'un, pendant qu'on le lapidait, s'est tourné dans l'esprit. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu, tel qu'il en avait dit. Plus de 50 ans après la prononciation de ces paroles. Et le deuxième volet est venant sur la haute nuit, depuis jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore accompli. C'est ce que je vais vous montrer. Qu'une phrase peut contenir deux prophéties séparées à des milliers d'années. Ce sont les fondations que je suis en train de mettre jusque-là. On avance, frère? Ok. J'espère que vous saisissez. Vous saisissez, bien aimé? Ésaïe chapitre 61. J'avance avec l'autre. Je vais vous dire ces choses. C'est la fondation. Ésaïe chapitre 61. Vous y êtes, bien aimé? Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Donc, je vais juste mettre les bases avant qu'on arrive au niveau du sujet qui nous intéresse. Donc, depuis la l'introduction. Donc, introduisons. On y va. Ésaïe 61, le verset 1 dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Voilà, avançons. Car l'Éternel m'a promis de porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. Oui. Et aux prisonniers la délivrance. Oui. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Stoppons. Vous remarquez très bien que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu à Luc chapitre 4, verset 16, n'a pas prononcé « et un jour de vengeance pour notre Dieu ». Pourtant, en français, c'est écrit « pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance ». Il s'est arrêté au niveau de la virgule et non du point. Alors, ça commence à poser problème maintenant aux biblistes. Quand tu veux lire un livre, il faut lire pour comprendre dans tout ce contexte. Alors, tu vas lire tout un paragraphe pour comprendre, alors que dans les versets, il y a problème. Dans les lignes, il y a des problèmes. Si tu veux comprendre tout là pour comprendre ce qu'on allait dire, frère, la phrase voit un problème. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Il n'est pas venu pour proclamer un jour de vengeance. La prochaine fois qu'il vient pour le jour de vengeance, ça se trouve ici. Le jour de vengeance, c'est ici. Pourtant, il a dit qu'il est venu publier l'année de l'Éternel, l'année de grâce, la période de grâce. Et un jour, la prochaine qui vient, le verset va continuer. Dans la même phrase, les versets se seraient, ça fait plus de 2000 ans déjà. Que le premier volet a été accompli. Le deuxième volet n'a pas été à partir de « et ». Un jour de vengeance de notre Dieu. Parce que ce jour de vengeance, si vous lisez votre Ésaïe chapitre 63 maintenant, il va dire qu'un jour de vengeance était dans mon cœur. On dit qui est celui-là qui vient de Bosra, de Dom, de torse bombé, ce vêtement plein de sang. Pourquoi ton vêtement est plein de sang? Il dit parce que j'ai été seul à fouler à la cuve de la colère, la grande colère de l'Éternel. Parce que nul n'a été avec moi. Alors mon bras m'est venu en aide. Car un jour de vengeance pour me racheter était sur mon cœur. Vous voyez la parole, n'est-ce pas? C'est pour ça que ces fondations sont nécessaires. Ces fondations sont nécessaires. Donc, si vous prenez cela dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 16, vous allez voir que jusqu'à s'est arrêté là-bas. On dit quand il a fini de lire et pour une année de grâce d'Éternel, il a roulé le livre. Il a déposé qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Autrement dit, le ministère des guérisons, des délivrances va marcher maintenant et la grâce va suivre. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pas le jugement. Ce n'est pas le jugement, c'est pas la vengeance. Vous y êtes? Miché. Vous savez, je me réfère beaucoup plus au livre prophétique parce que c'est. Je me sens à l'aise là-dedans. D'accord? Si vous lisez ça, on dit qu'Abako a fait telle chose, c'est ton, si ça ne comprend pas, c'est ton problème. Demandez seulement au Seigneur de vous y conduire. Miché chapitre 5, bien aimé. C'est fort, d'autres sont allés dans la table de matière. Votre Miché se touche après Jonas. Si Jonas est compliqué, référez-vous à partir d'Amos. D'accord? Ou bien si vous avez trouvé Nahum, rentrez un pas en arrière, vous allez trouver Miché là-bas. Ce n'est pas Jonas qui est facile à trouver aussi. L'autre soeur a trouvé une stratégie. Elle prend, vous avez balance dans sa tombe. Quand il voit Miché, il arrive là-bas. Ok. Miché, pas Michel, Miché. Miché de Moreche, vous y êtes? Chapitre 5 de Miché. On va t'en prendre, lisons dans ça. Le verset 1 dit quoi, le chapitre 5? Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, oui. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Stoppons là-bas. Dieu donne exactement une prophétie des lieux de naissance. Du Messie, pas vrai? On dit c'est de toi que sortira. Et quand les mages sont venus à Jérusalem, ils ont demandé où est ton roi? Est-ce en ce lieu-ci, ils ont dit clairement que car c'est ce qui a écrit le prophète ici là. Il devait être à Bethléem. Mais maintenant, le problème, c'est que dans cette prophétie-ci, on dit que la personne qui va sortir là, c'est lui qui dominera sur Israël. Or, il est sorti effectivement là-bas, mais il n'est pas allé dominer sur Israël. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Il est effectivement né de là, mais il n'est pas allé dominer sur Israël. Parce qu'ici, on va dire que donc, les jours remontent au jour de l'éternité. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un, donc ça veut dire qu'avant qu'il vienne, il va même, c'est quelqu'un qui est l'ancien. Il va seulement venir là-bas dans sa création. On dit donc qu'il va sortir de Bethléem et c'est lui qui est censé régner, dominer sur Israël, son peuple. Vous y êtes? Il est effectivement né à Bethléem, mais il arrive à Jérusalem, il n'a pas régné. Où est le problème, n'est-ce pas? Et la prochaine fois, il va descendre plutôt du cercle descend. Mais pourtant, la première fois, il est né effectivement là-bas. Vous me suivez? Avançons dans la lecture. Écoutez. Et donc, l'origine remonte au temps ancien. Où est l'âge de Jésus, non? Donc, il est âgé au temps ancien, oui. Au jour d'éternité, oui. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Gardez ce verset-ci et lorsqu'on va lire Apocalypse chapitre 12, quand on va parler d'Apocalypse chapitre 12 par rapport à la femme qui doit enfanter, cette fils-là, fils premier-né qui doit perdre avec la somme de fer, une verge de fer. Avançons. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Remarquons très bien la façon dont on est parlé ici. Directement dans cette prophétie-ci, on est de parler des chrétiens. Le reste de ses frères. Me voici, à Hébreu chapitre 1 dit, me voici, c'est pourquoi il n'est pas en de nous appeler ses frères. Selon qu'il est écrit, me voici, moi et les enfants que tu m'as donné. C'est un produit à nos yeux, c'est de l'éternel que cela est venu. Il dit, et encore je te publierai parmi, au milieu de mes frères, parmi, au milieu de l'assemblée. On dit, et le reste de ses frères, voilà encore le mystère d'Israël avec l'église d'abord, reviendront auprès des enfants d'Israël. Parce que ça veut dire qu'il y a des parties de lui qui se trouvent inséminées parmi les nations, mais Israël est déjà réuni. Où est son frère? Ce n'est pas la seule troupeau ici. Il y a plusieurs brebis encore. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut qu'il y ait un seul troupeau. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'Éphésiens 2, il a brisé le mur de la séparation, l'imitié. Il a renversé cela pour faire un seul corps, soit juif, soit grec. D'accord? Avançons ici. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'éternel. Bien-aimés, vous allez voir que dans ces Michée chapitre 5, les trois premiers versets sont en train de donner des prophéties dans différentes générations. Il y met trois versets seulement. Donc, si vous pouvez lire les racontages dans le livre des évangiles où on parle des choses, lorsqu'on commence à toucher les prophéties et les paraboles, faites attention. Quand c'est les prophéties, faites attention. Vous prenez un verset, il y a plusieurs prophéties de plusieurs années si référent. Vous voulez lire pour comprendre le contexte. Il n'y a pas de contexte. Écoutez là maintenant. Dans le livre des prophéties, il n'y a pas de contexte là-dedans. Il faut que j'utilise le texte pour comprendre l'idée majeure. Il n'y a pas d'idée majeure. Parce que le prophète Esaïe balance. Remarquez un peu. Il parle d'Esaïe 53, la naissance de la mort de Jésus-Christ. Dans le chapitre 4, il parle de sa conception. Au chapitre 35, il parle de son ministère de guérison. Chapitre 66, il parle lorsqu'il va venir régner à Jérusalem pendant le millénaire. Il mélange partout. Là, vous allez voir au chapitre 22, comment on va le persécuter. Pendant un temps, sa vie du millénaire est avant sa mort. Donc, ce n'est pas ordonné. Dieu a délibérément mélangé ça dans la Bible pour que ça vous donne des casse-têtes. Et afin qu'il envoie son esprit les ordonner. Parce que là, c'est son esprit qui est censé les ordonner. Voilà pourquoi l'une des meilleures choses dans la Bible à connaître, c'est l'enlèvement. Il faut que ça soit clair au sujet de l'enlèvement pour que, en fait, souvenez-vous de ce qu'il avait dit. Tu peux savoir que l'enlèvement va avoir lieu telle période, mais ça va reposter d'y aller. Donc ici, frère, il dit quoi? Il dit qu'il va se présenter et il va gouverner avec la majesté du nom de son Dieu. C'est pour ce qui n'est pas encore accompli. Pourtant, le premier avait été accompli. Où il est lié à Bethléem, effectivement. Vous voyez, n'est-ce pas? Il est retourné au ciel. L'autre volet n'est pas encore accompli. Voilà votre Bible. La première fondation est assimilée. Le premier pilier est assimilé. Deuxième pilier. Oui, frère. Ça veut dire que les prophètes nous exposent tout le plan pour l'âme de Dieu. Nous y voilà. Merci, frère. Si vous lisez dans ces Actes chapitre 3 toujours la conversation de l'apôtre Pierre avec le peuple juif, la Bible déclare que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Cet mot, tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en ça, sauf que si je n'aime aucune partie de la Bible, je vois où on va parler de Jésus et son nom. Il a dit tous les prophètes. Et au chapitre 3, il va dire que depuis Samuel, En partant depuis Samuel, ils ont annoncé ces jours, les prophètes ont annoncé ces jours, dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Et donc ça veut dire que si c'est pas dans, depuis le livre de Samuel, tu vas savoir, tu vas voir comment on annonce les jours, le lieu et c'est super. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est la Bible. La Bible déclare qu'elle est ressuscitée dans le chapitre 24, qu'elle a trouvé ces deux-là qui marchaient pour aller à Emmaüs. Ne soyez pas distrait. Pour aller à Emmaüs, la Bible déclare qu'il s'est tourné vers eux, il a commencé à les respecter. Il dit par temps de Moïse, il leur expliquait dans les Écritures tout ce qui le concernait. Vous lisez les psaumes, on dit qu'on le veut crucifier, percer ses mains, partager ses vêtements. On a dit, mais à la fois ça se passait, le gars dit, yeah, c'est vrai, yeah. On a mis son tombeau parmi le riz. Est-ce qu'il était parmi les malfaiteurs? On dit, mais attends, le passe. À la fois il y avait deux pères, yeah, yeah. Frère, c'était l'écriture se déroulait. Donc, frère, c'est pour cela que les gens accusent à tort les chrétiens de dire que l'écriture est christocentrique. Mais qu'on l'admet ou non, l'écriture dit que l'écriture est christocentrique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est pas les chrétiens qui disent que l'écriture est christocentrique. Les gens disent que les chrétiens forcent à ce que l'écriture soit christocentrique. C'est-à-dire que quoi? Que toutes les paroles se centrent sur Christ. C'est la Bible qui dit bien sûr que toute l'écriture rend le témoignage de lui. C'est-à-dire quoi? Le fait que Jonas est allé, le serpent, le poisson l'a avalé, il voulait comme ça prophétiser que 3 jours il devait mourir. Il n'a pas besoin de dire que, et regardez, comme je passe 3 jours dans le ventre du poisson, ça va dire que le prophète, c'est pas ça. C'est l'esprit du prophète, il est en train de parler déjà. Tout comme Ézéchiel va se coucher 390 jours, 40 jours. 390 jours, ça veut dire que 390 années, vous avez péché. 40 jours, Judas a péché. Il n'a pas besoin de dire ça de la bouche. Ce qu'il vient de faire là, il dit. Il prend les cheveux, coupe comme ça. Il prend un tiers vers l'Orient, un autre tiers vers l'Occident. Les cheveux. Comme j'ai pris mes cheveux, j'en veux. Un tiers, il rentre en captivité de ce côté. Un tiers, il vient de parler. Il n'a pas besoin de dire que, comme j'ai fait comme ça, un tiers vont partir par ici. Amen. Ok, on peut avancer, frère. Donc, dis à ton voisin, l'écriture est christocentrique. Donc, toutes les choses et les prophéties de la Bible montrent une seule et même personne, Christ Jésus. D'accord, bien aimé? Ok. C'est pour ça que Satan fait tout pour désarmer quelqu'un de l'écriture. Parce que quand tu vois même que la lampe de l'évangile pointe comme ça, on voit le visage de Christ. Subitement, tu commences à savoir que maintenant tu es un bâtard parce qu'il est celui qui combat pour toi. Donc, on peut avancer. Deuxième fondation. Une écriture prophétique de la Bible peut se donner, peut être donnée des prophéties de plusieurs époques. La même écriture. Il y a un deuxième pilier. Une prophétie de la Bible peut, je ne dis pas, est toujours ainsi. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Il y peut donner à plusieurs époques, plusieurs prophéties différentes. Vous vous souvenez? Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7, le verset 14, lorsqu'il va dire que la fille va naître, la vierge enfantera. Si vous lisez l'histoire, c'est le roi qui vient voir le prophète Ésaïe, il dit que Ésaïe lui demande un signe. Il a dit non, jamais, il ne peut pas tenter l'éternel. Il dit demande un signe pour toi, et l'éternel te donne un signe. Le gars dit jamais, il ne peut pas tenter l'éternel, mon ami. Demande quoi que j'ai un signe sur ça. Il peut demander comme ça, ma part vient ici dehors. Il dit que même si tu ne demandes pas, voici le signe. La vierge enfantera. Voici le roi qui a le problème pour combattre là dehors. Le prophète se tient devant lui, frère, faites attention au prophète, je vous le dis, les prophètes authentiques, faites attention. Il se tient devant lui, il dit que voici la vierge, c'est le signe que l'éternel te donne. Le combat est dehors, il dit que la vierge enfantera, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que ça va avoir son combat? Et cette prophétie s'accomplit 800 ans que ni lui, ni celui-là n'est là-bas dedans. Vous cessez, frère? Qu'est-ce que cela a à voir? Ah, que Dieu nous vienne en aide. Donc, j'ai dit donc, deuxième pilier, certaines prophéties de la Bible se réfèrent à, peut se référer à plusieurs périodes, la même prophétie. Je prends un exemple. Osée chapitre 11. Osée chapitre 11. Rapidement, là, parce que après la pause, maintenant, il dit que je viens de poser les fondations, je vous donne de l'eau à boire. Osée chapitre 11. Si les fondations sont placées maintenant, c'est bon. On avance. Le verset 1 seulement. Qu'est-ce que ça dit? Osée, on n'a pas encore trouvé. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Vous avez vu ça, frère? Il dit quand Israël était jeune, je l'aimais. Là, le premier pilier se trouve encore même dans ce verset aussi. Le premier pilier que j'ai d'abord construit se trouve dans ce verset. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai retiré mon fils hors de Lévi. Même phrase, dans une seule phrase. Le premier est adressé à Israël. Le deuxième est adressé à Jésus et à Israël. Le premier n'est pas adressé à Jésus. Parce qu'il n'y a pas un temps où Dieu aime Jésus. Alléluia. Ok. Quand Israël était. Maintenant, si vous lisez, maintenant, si vous avez la Bible des renvois, vous allez remarquer qu'on a renvoyé dans Matthieu chapitre 2. Si votre Bible renvoie, vous allez voir qu'on a, on va renvoyer dans Matthieu chapitre 2. Vous y êtes, n'est-ce pas? Ok. Alors, dans Matthieu chapitre 2, il est question de. Lorsque les mages sont allés vers Hérode, il a dit allez consulter, prendre des renseignements exacts. Pour que lorsque vous allez trouver le petit garçon, vous venez me dire pour que je puisse l'adorer. Et dans son plan, il voulait aller le tuer. Et lorsqu'ils sont allés voir, ils voulaient rentrer pour aller dire à Hérode, ils ont été divinement avertis en songe de ne pas retourner par le même chemin, d'emprunter un autre chemin. Quand ils sont partis, Hérode va se rendre compte qu'on l'a dupé, il va prendre des soins exactement auprès de tous les renseignements qu'il pouvait avoir pour voir le décalage des périodes de naissance pour voir. C'est là qu'il a dit que de 2 ans en dessous. Sachant qu'en 2 ans en dessous, ça ne faisait pas 2 ans plus de 2 ans que les mages sont passés vers lui. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il va vouloir qu'on parte à Bethléem pour tuer tous ces enfants-là. L'ange va venir donc lui dire, non, pas autant de cela, vous êtes des biblistes, vous n'êtes pas des novices. L'ange va venir dire en songe à Joseph que prends cet enfant, descend en Égypte jusqu'à ce que je te fasse appeler. Et lorsqu'il va faire venir l'enfant de l'Égypte, on dit selon ce que le prophète avait dit que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Et c'est uniquement dans Osée que c'est écrit. Et pourtant, vous lisez Osée, on a déparé à Israël. Donc, deuxième fondation, une parole prophétique peut se diviser sur deux personnages différents, à des époques différentes. Pour Israël, c'est quand Israël était sorti d'Égypte sous Moïse. Cette parole de Osée est partie sur Israël. Plusieurs années, 1800 ans plus tard, la même parole, quand Joseph, l'ange dit à Joseph est sorti de l'Égypte, il sort de là-bas, la même parole. La fondation est classée, la fondation est propre, n'est-ce pas? Je peux avancer maintenant à la dernière fondation. On peut aller à la dernière fondation. Lorsque l'Écriture dit une chose en prophétie et dit une autre chose dans l'interprétation du Nouveau Testament, il y a une lumière qui est apportée sans modification. Lorsqu'une prophétie parle d'une certaine façon et que l'interprétation dans le Nouveau Testament parle d'une autre façon, mettez autre entre guillemets, parce que ça ne peut pas changer, ce n'est pas contradictoire, d'accord? L'Écriture est en train d'apporter davantage de lumière sur ce qui a été dit. On avance. Lorsque une Écriture est dit dans l'Ancienne Alliance, d'une certaine façon, et dans la Nouvelle, d'une certaine façon, autre que ce qui est écrit, ce n'est pas modifiable. C'est une lumière qui est ajoutée à ce qui a été dit. Je vais prendre des exemples pour que vous compreniez. Quand l'homme péchera, on viendra chez le sacrificateur avec le bélier. On va sacrifier. Le sang est versé. Dieu ne demande pas, ne prend pas plaisir aux holocaustes. Le sang là, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau dont on parle là, c'était Jésus. Ça n'a pas été modifié. C'est la lumière qui a été apportée parce qu'il a mis en éclairage ce qu'il voulait dire. Vous avez saisi là maintenant, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, je vais prendre donc 2 exemples et puis on va arrêter pour la fondation. Parce qu'il y a des gens ici, donc les nez, on a repéré exactement la mamie, la couleur des assos. Bon, on avance. Père, aide-moi à cette heure. Vous êtes avec moi, mais il sent déjà la lourdeur. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris que vous êtes côté paresseux. Comment, frère? Vous priez pour moi. Pendant que je suis en train de prier pour vous. J'ai fait tout et tout pour que la flèche bombe ces choses ici, pas là. Parce que si c'est ici, vous allez aller devenir les discoureurs dehors. Si c'est ici, vous allez prendre la chose à cœur pour rentrer devant le Seigneur que l'heure est grave. On a la prolongation. La Bible va venir et puis. On avance, frère. Je veux que vous me redites donc le troisième pilier. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'une écriture est dite dans l'Ancienne Alliance, cela s'explique. La façon dont il a dit, il ne pèsera pas bien la chose que j'ai dit, la façon dont j'ai dit. Attends, frère, ce qu'il a dit c'est vrai, mais il dit mais ça ne porte pas la portée que description le dit. Ça veut dire que la chose est dite ici, dans l'Ancienne Alliance, sous une façon. On a vu ça tout à l'heure, lorsque nous lisons Jean chapitre 6, verset 45, Esaïe chapitre 54, on a lu un exemple. Jésus cite une écriture, mais il ne cite pas de la façon que c'est cité. Si c'est toi, on va citer littéralement comme ça. Là. Mais comme lui, il est prophète, il sait exactement ce que l'écriture veut dire. Il le dit à la lumière de ce que c'est la pensée que Dieu lui avait donnée. Mais il a pris le but, il a écrit en scellant. C'est ici, n'est-ce pas? Tu comprends, frère? Lorsqu'une écriture est dit sur l'ancienne alliance d'une façon, et dit d'une autre, c'est pour ça qu'il dit mettre autre entre guillemets. autre dans la nouvelle alliance, ce n'est pas modifié, c'est une lumière qui est dite par rapport à ce qui est dans l'ancienne alliance. Je vais prendre deux exemples seulement. D'accord? Prenez Psaume 82. Vous allez déguster quelque chose en me disant. Prenez Psaume 82, verset 6. Pour qu'on avance. Je vais prendre l'autre. Je vous aime bien, les amis. Vous m'aimez aussi. Psaume 82, verset 6. Les piliers, ils vont nous aider tout à l'heure. Frère Michel, Psaume 82, verset 6, dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Voilà. Alors, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Frère Michel, à ton avis, on parle à qui? À ton avis, qui, d'abord, qui parle? C'est David qui parle, mais... Donc David nomme déjà les dieux, frère Michel. David dit quoi? C'est qui parle dans la bouche de David? Hein? Ok, donc qui parle? Donc finalement qui parle? Ok, donc il dit donc quoi? J'avais dit vous êtes des dieux. Ok, il parle, il s'adresse à qui? Si une personne ne bavarde pas, c'est qu'il est arrivé là, il y a le soleil qui le trouble. Donc Jésus ne peut pas parler, ou bien Dieu ne peut pas parler à lui, ce n'est pas vrai. Donc il s'adresse à qui, frère Michel? Regarde moi, frère Michel, regarde ici, c'est ici là ça se passe. Regarde, ne regarde plus là-dedans. Il faut que je regarde ici. frère, c'est à qui parle d'abord? Ici c'est Dieu qui s'adresse à lui. Donc Dieu a dit que j'avais dit vous êtes des dieux. Non, si Dieu s'adresse à l'église en fait. À quelle église? L'église que je suis aujourd'hui. Donc tu es l'église. Et Dieu s'adresse à vous. Donc ça veut dire que tu peux donc dire tu es un Dieu. Dis donc, ouvre-toi, je peux dire je suis un Dieu. Allons-y à haute voix alors. Regarde l'église un peu. L'église un peu. Alors non. Attends, on va aller en ordre. Frère Michel, je vais revenir sur toi. Donc quand il va revenir, tu vas parler. Je suis un Dieu. Non, tu es un Dieu. Ouais. Frère, oui, tu dis que toi aussi tu es un Dieu. Hein? C'est ce que tu as dit. Touche un peu ta femme voir. Pourquoi tu dois dire que tu es un Dieu? Parce que Dieu a dit ça de toi. Donc elle est quoi? Une déesse. Dis alors, ma chérie. Dis alors. Et lui, il ne peut pas avancer sur ce terrain-là parce qu'il dit que le Dieu qui est là-bas, c'est pas au féminin. Ok, donc tu dirais d'une seule qu'elle est une déesse. Non, pas du tout. Pourquoi donc? Parce qu'elle n'est pas aussi l'église. Parce que Dieu ne regarde pas à la chair, il regarde à l'esprit qui est en mais le, l'esprit est en toi, est masculin ou c'est féminin alors? L'esprit n'a pas de désir. Mais là, dit que ce sont mes fils et mes filles, j'ai revu ça mon esprit pour vous dire. Là, il n'a pas les filles, pas vrai? Ça, c'était notre contexte. C'est notre contexte, mais c'est les mêmes personnes. Mais c'est les mêmes personnes. Ouais. Mais c'est les personnes sont féminines cette fois-ci et masculines. C'est seulement le contexte en fait. Moi, donc ici, c'est seulement les dieux, les êtres humains. Non, je connais mes personnes, donc laissez-moi coordonner, d'accord? Frère Constant, à qui est-ce que Dieu est en train de parler ici? Frère, moi je dirais ça à une catégorie de personnes. C'est-à-dire quelle est la catégorie? Ils ont quoi de spécial? Ce sont des personnes qui se sont acquis. Suivez attentivement. Qui se sont acquis une certaine gloire. Qui se sont acquis? Oui. Et c'est Dieu qui dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Oui. Parce que quand je lis le volet qui suit, frère, oui. Lorsqu'il dit et vous mourrez comme des hommes. Mm-hmm. Donc, moi je me dis, ce sont des personnes, peut-être comme Pharaon. Mm-hmm. Donc, c'est Dieu qui avait dit qu'ils sont des dieux. Que j'ai dit, vous êtes des dieux. Mais pourtant, Dieu a dit à Isaïe qu'en dehors de moi, il n'y a pas de dieu. À côté de lui, il n'y a pas de dieu. Qu'est-ce que tu en dis donc? Un moment, allons-y. Dieu s'adresse à qui? Non, ne justifiez pas tout simplement. Répondez seulement. D'accord? C'est dit, pourquoi tu dis cela, justifie. Dieu s'adresse à qui? Tu as dit aux hommes, lis le volet suivant. Le volet suivant dit quoi? Tu dis, il s'adresse aux hommes. Il s'adresse à ceux, en fait, ceux qui ont son esprit, quoi. Aux hommes, finalement, ou à ceux qui ont son esprit. Tu ne lis pas, frère. J'étais, en fait, dans Jean 10. Je vais demander encore qui? Un frère, tu baisses la tête, quoi, qu'il ne veut pas te voir. C'est toi qui te vois. Le frère, comme si tu es concentré, que le gars ne vient pas par moi, ne vient pas vers moi. Je viens vers toi. Dieu s'adresse à qui? Tu s'adresses à Dieu ici ou. À ses disciples. Donc, ça s'adresse aux catégories des hommes. Quelles sont les catégories des hommes? Les prophètes. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Bon, je peux dire la suite. Je ne pense pas que c'est le frère a la révélation. En fait, les versets qui sont écrits là-bas ne sont pas liés du tout. À un moment donné, il parle aux êtres humains, à d'autres moments, il parle à Satan et aux anges. Donc, on va revenir sur ça. Mais je vais vous montrer des parallèles là maintenant. C'est moi pour vous titiller. Donc, vous qui avez dit que vous êtes des dieux là, vous avez des problèmes à rendre compte avec Dieu. Donc, Dieu a dit qu'il y a point de Dieu à côté de lui. Vous avez dit que vous-même vous en avez un. Donc, de toute façon, c'est votre problème. Mais permettez-moi de mettre les jalons dont je voulais mettre, d'accord? C'est ici donc l'une des bases de la fausse doctrine de la prospérité. Toute personne qui prend la doctrine de prospérité affirme ceci, ils sont des dieux. Mais bon, maintenant, ces frères, tant que vous n'entrez pas dans la pensée de Dieu, vous comprenez ce que lui, il a dit, vous avez des problèmes. Ici, si vous dites, j'avais dit vous êtes des dieux, il allait s'adresser aux hommes, vous avez des problèmes parce qu'en bas, il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça n'a pas de sens. Là, vous comprenez tellement que vous avez dit que Dieu lui bégait. Vous savez que ce n'est pas de sens, n'est-ce pas? Mais le problème maintenant, c'est que vous mourrez comme des hommes, comme un prince quelconque. Alors, la question maintenant, c'est à qui est-ce qu'il s'adresse? Vous n'avez pas dit que l'écriture est fausse. Maintenant, j'ai dit ceci, troisième pilier. Si une chose est dite dans l'ancien alliance d'une certaine façon et dit d'une autre dans la nouvelle alliance, ça ne modifie pas, c'est une lumière qui est apportée, n'est-ce pas? Jean chapitre 10. Parce que c'est une de ces choses qui est dite d'une autre façon. Mais ne fermez pas dans ce psaume 82. Ok. Il faut vraiment qu'on avance parce que le temps. Dans Jean chapitre 10, prenons le verset 36 et 37. Donc vous connaissez l'histoire. Verset 30, il dit le père, moi et le père, nous sommes un. Et puis les gens commencent à parler que tu, toi qui es tu t'es fait Dieu, n'est-ce pas? Touchons le verset 36 là rapidement. Celui que. Ok, remontons. Verset 34, nous sommes là-bas. 34. Oui. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc Jésus, notre Seigneur, a cité exactement ces passages-ci. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Dans la Genèse 82, verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux. Hein, avançons. Si elle a appelé Dieu ce à qui la parole de Dieu a été adressée. Stoppons. Donc Jésus vient de nous expliquer exactement à qui on s'adressait. Mais pourtant, il a cité une parole qui a été dite dans la loi d'une certaine façon. J'avais dit, vous êtes des dieux. Quand je dis, vous êtes des dieux, frère, si on pose la question, si Jésus n'avait pas dit ça, ni toi ni moi n'avons le pouvoir de répondre. Parce que ça ne serait pas clair dans la Bible. Mais le fait maintenant que Jésus a dit ça d'une certaine façon, il apporte donc la lumière sur cette chose-là. Il dit, n'est-il pas écrit dans le psaume 42, verset 6 que j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle, la loi, a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Donc finalement, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous, c'est ceux à qui la parole a été adressée. C'est à eux. Ce sont eux qui sont des dieux. Maintenant, il y a encore jusqu'à ça. Le problème subsiste. L'écriture ne peut se contredire. Dieu dit qu'en dehors de lui, il n'y a point de dieu. Il ne sait pas pourquoi le dieu. Et à côté de lui, il n'y a point de dieu. Donc, le dieu qui est écrit là-bas, ce n'est pas dieu au sens de dieu qui est divinité. Ce n'est pas au sens de divinité. Donc, ce n'est pas au sens de divinité. Mais quand les gens des doctrines de New Age parlent de Dieu, ils parlent en fait qu'ils sont divins. C'est ça qu'ils disent. Donc ils prennent effectivement le divin. C'est que vous saisissez. C'est la différence là-bas. Ok. Si tu dis que moi je suis un Dieu, il faut d'abord premièrement te poser la question si la parole de Dieu t'a été adressée. Si la parole de Dieu t'a été adressée, alors tu es un Dieu, mais pas au sens du divin. Mais en disant que tu es un Dieu, il faut que tu comprennes d'abord ce que Dieu lui a fait à Dieu. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne sais pas d'abord que ce n'est pas à toi. Vous y êtes, n'est-ce pas? Vous avez gardé ceci à l'esprit, n'est-ce pas? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais c'est pas là, vous mourrez comme des hommes. Ok. Si elle a appelé comme ça, elle appelait Dieu comme ça, pas tout le monde. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Prenons par exemple un roi, rapidement. Un roi, chapitre 17, verset 1. Lisons cela. Ou bien chapitre 18, verset 1. Un roi, chapitre 18, le verset 1 seulement. Terrible, il lui faut la délivrance, c'est Samuel ou pas? On y va? 1 Roi chapitre 18, le verset 1 seulement, qu'est-ce que ça dit? Bien des jours s'écoulent. S'écoulèrent. Oui. Et la parole de Dieu fut ainsi adressée à Élie, le Tishbi, dans la troisième année. Va, présente-toi devant Acha, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. On dit que la parole de Dieu a été adressée à Élie. Vous avez suivi? C'est la Bible. Vous ne pouvez pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit, parce que la Bible doit se définir. Oh, j'avais dit, vous êtes des dieux. Qui? Jésus dit que c'est ceux à qui... Jésus répond à la question, qui? Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Exemple, la parole de Dieu fut adressée à Élie, le prophète. Va, ici. Vous avez suivi. Donc, tu disais que tu étais un dieu, comment? Dis-nous, tu étais un... Donc, ainsi parle le prophète. C'est le prophète Tétagnon. Donc, vous savez qu'il est prophète. Or, Dieu, donc, je dis encore, Dieu, ce n'est pas au sens de la divinité, d'après la Bible. Mais ce qu'ils utilisent maintenant pour détourner les gens, c'est dans le sens de la divinité. Pas encore que les gens les adorent. Donc, remarquez maintenant que tous ceux-ci qui sont dans la Bible, personne ne se prosterne devant eux. Et ils n'acceptent même pas ça, ceux à qui la parole de Dieu est adressée. Pour montrer que, donc, Dieu, et voilà, c'est le vrai problème maintenant avec les traductions. Pourquoi on n'aurait pas mis Dieu là entre guillemets pour ces Dieux? Non, mais c'est une question, c'est intéressant, Père Michel, c'est une question. Mm-hmm. On aurait peut-être que le Dieu là entre guillemets pour ces Dieux que c'est. Ce n'est pas un vrai Dieu comme on dit là. Oui, ce n'est pas le vrai Dieu. En quelque sorte, c'est des gens qui sont les représentants de Dieu. Oui. Qui viennent parler pour Dieu, mais qui ne sont pas en fait des dieux de la divinité. Frère Michel, si c'est comme ça, c'est que les critiques seront truffées de carrés, de triangles, de entre guillemets. Dieu a sa pensée. C'est pour ça que c'est la même petite idée. Même si c'est la même petite idée, ça pose du problème, parce que Satan a Dieu de ses sexes, ça avait la même légalité. Mm-hmm. Oui, frère. Et c'est le sens où on va dire que la parole est une prophétie. Oui. Donc pendant que je prêche l'évangile, mm-hmm. j'annonce une prophétie. Oui. Si je n'ai pas reçu la parole. Non, on n'a pas dit que ceux qui prêchent, on a dit que ceux à qui la parole a été adressée. C'est pour ça qu'il y a différence entre les prophètes et ceux qui ont le don des prophéties. Voilà encore un autre exemple pour ceci, en bien clair. Pour que quelqu'un soit authentique prophète de Dieu, pas les gens qui ont le don de prophétie, il faut qu'ils aient rencontré Dieu directement. Absolument. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Voilà. Si Dieu t'a parlé face à face, alors on t'appelle porte-parole de l'Éternel. Ceci parle de la part de l'Éternel. Quand un jugement est dit, ainsi parle l'Éternel, ne pleuvoit pas de la pluie, sinon c'est ma parole, il se tourne. Ils font, lui même subit encore. Il voit pas autrement. Vous saisissez là, bien aimé. Alors, Dieu ici, donc, c'est au sens des attributs que Dieu délègue aux êtres humains. Comme les juges, les magistrats, les prophètes, ainsi de suite. Ces attributs-là, ce sont les attributs qui sont à Dieu. Mais Dieu ne donne pas son attribut de sauveur à quelqu'un. Son attribut de rédempteur. Donc, il n'y a pas de co-rédemptrice. Oui, frère. Absolument, absolument. Il y a des attributs du roi de la terre, d'accord? Ça, c'est des attributs qui est dans la divinité. Il dit bien, l'attribut de Dieu, ce sont les gens qui gouvernent, ceux qui sont dominés. C'est pour cela qu'ils sont ici au niveau d'une confrontation entre le pouvoir de l'autorité et le pouvoir de l'autorité. Par l'autorité de Jésus-Christ, lui, il a déclaré qu'il est en même temps Dieu, en même temps humain. C'est pour ça qu'on veut le lapider. Il dit, mais si à ce niveau, c'est dit, ça veut dire qu'il blasphème. À combien de raisons les êtres humains qu'il a, la parole de Dieu a été adressée, il appelle ceci Dieu. Qu'est-ce que ça vous semble? D'accord? Donc je recommence encore troisième pilier. Lorsqu'une parole est dite dans l'ancien, elle l'a dit d'une certaine façon, et c'est dit autrement, autre façon, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas changé, c'est une lumière qui lui est apportée. Vous avez maintenant compris, n'est-ce pas? Ce sont les bases, ce sont les points. Il peut prendre comme ça, sans verset pour les montrer. Maintenant, le deuxième verset qu'il va prendre, c'est dans le livre de Malachie, chapitre 4. Et on va regarder là-bas, on va s'arrêter là. Les fondations de la maison seront solides. Comme c'est trois, vous savez, vous mettez une chaise sur deux pieds, ça ne peut pas se tenir. Mais c'est trois pieds, donc ça peut déjà se tenir. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Chapitre 4. Donc, on est encore à l'introduction. On est d'accord? Voilà. Malachie, chapitre 4, le verset 4 dit quoi? Malachie 4, verset 4. Oui. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Oui. Mon serviteur, oui. auquel j'ai prescrit en Horeb pour toute Israël, oui. les préceptes et les ordonnances. Oui. Voici, je vous enverrai Élie, oui. le prophète, oui. avant que le jour de l'Éternel arrive. Oui. Ce jour grand et redoutable. Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, oui. de peur que je ne vienne frapper le pays. D'interdit. Arrêtons là-bas. C'est ce que le Saint-Esprit dit dans la bouche du prophète. Malachie. Il dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, je vais envoyer Élie le prophète. Il va venir ramener le père, le cœur des pères aux enfants et des enfants à leur père. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et glorieux, ce jour puissant, ce jour ténébreux, donc c'est pour lui à parler de Joël. Alors maintenant, Élie est censé venir faire quoi? Quelle est sa mission? Il ramène le cœur de... À haute voix, frère. Ne crains pas, il n'y a pas de divin maintenant dedans. Je vais ramener le cœur des pères aux enfants, des enfants aux pères. C'est la réconciliation. La réconciliation. Ok, lève-toi, on va voir ça. Vous montez, vous descendez, vous comprenez pas, vous allez comprendre la Bible. Viens, frère. Souvenez-vous, troisième pilier. Quand une chose est dite dans l'ancienne alliance, d'une certaine façon, et est dit d'une autre façon dans la nouvelle alliance, ce n'est pas modifié, c'est une lumière qui lui a apporté. D'accord? Tenez-vous à l'égalité comme ça, même ligne. Voilà. On va supposer que celui-ci, c'est le père, voici le fils. D'accord? On dit donc, d'après ce que lui vient de dire, je ne sais pas l'expliquer ce que la Bible dit, parce qu'on va y arriver maintenant. D'après ce que la Bible vient de dire, il dit que c'est la réconciliation. Il dit, il va venir ramener le cœur du père aux enfants et des enfants au père. C'est littéralement ce qui est écrit. Donc, il est censé venir faire que le cœur de celui-ci vient ici. Le cœur de celui-ci vient ici. Maintenant, expliquez-moi ce qu'on est en train de dire. Expliquez alors. Donc, ton cœur doit quitter venir ici. Le cœur va quitter venir ici. Le cœur du père aux enfants et des enfants à leur père. Vous pouvez tenter de parler, frère. Frère Constantin, tu es toujours inspiré. Dis-nous. Mais l'inspiration a chuté, ça t'arrive. Non, en fait, ce que je voulais dire, frère, c'est que c'est mettre la paix, parce que au préalable, il y a une discorde. Où est-ce qu'on a parlé de discorde là-dedans? Vous commencez vous à créer des problèmes pour les résoudre. Il dit qu'Élie vient pour donner le cœur de paix, mettre le cœur aux enfants. Maintenant, s'il y a discorde, n'est-ce pas, il y a discorde ici et ici. Si change une message, le même problème recommence, non? C'est pas ça, frère. S'il y a un problème, pourquoi on dirait, on nettoie les problèmes tout simplement. Si tu enlèves le problème, c'est le cœur, c'est qu'il y a un cœur de problème. Le cœur, c'est qu'il y a un cœur de problème. Tu fais comme ça, tu as fait quoi? Tu as pris 8, tu as pris la place de 6. Tu as pris 6, tu as pris la place de 8. Donc, hein, frère Constant. Venez vous asseoir bien aimé, pourquoi? Avant qu'on voit une dent. Ramener le cœur de l'enfant, au père, le cœur du père au fils. Oui. Donc, lorsque je lis le deuxième verset, oui. Je vois que les apôtres sont morts. Le fondement de l'église. Oui. Et lorsque il dit, bon, c'est comme les pères, donc il prend des places des apôtres à la place des pères. Oui. Maintenant, l'évangile qu'ils ont prêché. Oui. Alors, ce Élie-là vient prendre l'évangile que. Donc, il avait le cœur des pères, il avait d'abord le cœur des pères au fils. Mm-hmm. Il vient prendre l'évangile des apôtres et donne au fils. Et prend le cœur des... Frère Constant, applaudissez pour le frère Constant. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre Ferrand, frère, assieds-toi par ici, comme ça, on change comme ça. D'accord. Vous allez m'appeler chaque fois, il va appeler le frère Constant, chaque fois, il va être Ferrand, il va appeler Constant. Donc, en fait, le frère Constant est exactement dans la chose. Vous savez, c'est un peu comme si tu as donné la mathématique à un enfant, subitement par réflexe, l'a trouvé. Quand il était petit, il était comme ça là. Tu me disais seulement que telle fois telle. Je disais, on a prouvé, mais tu me dis que quelqu'un ne sait pas comment c'est fait pour sortir. Mais c'était ça. J'ai été étonné de moi que comment je fais pour que ça sorte exact comme ça. Moi, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, tu me causes là-bas, montre comment 65 fois 6 vous donne telle chose. Mais tu as demandé, c'est sorti. Et tu t'as calculé, c'est ça. Donc, c'est ce qui est là. C'est un peu comme également comme un technicien va aller dans une maison où il y a les câbles. Il essaie de démêler les câbles pour voir vraiment le câble qui conduit à cet ampoule-ci. C'est ça. Il a dit exactement la réponse, mais on va arranger cela maintenant. Ce verset a dit que Élie est censé venir faire ramener les cœurs des pères aux enfants et des enfants aux pères. Maintenant, si vous avez la Bible de renvoi, vous avez remarqué qu'on a renvoyé ça dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Vous y êtes. Maintenant, si vous lisez là-bas, il est question de lorsque Zacharie va, l'ange vient annoncer. Souvenez-vous, la Bible est claire. Si un ange du ciel vient annoncer une autre parole, un autre évangile, autre chose que nous avons prêché, qu'il soit en Athènes. normalement, l'ange est censé venir dire exactement ce qui est écrit. On est d'accord? Et cela était scripturaire. Maintenant, l'ange se présente devant Zacharie alors qu'il avait fait l'offrande du soir, parce qu'il était sur la classe d'Abia. C'était son tour maintenant d'aller dans le sanctuaire. Il était entré, à subitement, à la corne de tête à droite, se trouvait Gabriel. Il s'est tourné, il a vu cette vision, il dit, ah, c'est quoi ça? Il dit, Zacharie, ne crains pas. Dieu a vu ton cœur, ta prière a été exaucée. Il dit, Dieu, Élisabeth, ta femme deviendra enceinte. Il te donnera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Car il sera grand devant le Très. Vous êtes, n'est-ce pas? Il prépare le chemin devant le Seigneur Dieu. Les deux deuxièmes versets qui suivent montrent clairement que la personne qui a été venue après Jean-Baptiste, c'est Dieu. Vous lisez ça. Regardez maintenant, je veux que vous lisez le verset 17 à haute voix, frère. Lisez le verset 17 de Luc chapitre 1. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Stoppons d'abord. Donc, nous nous retrouvons directement. La personne qui est venue, nous nous retrouvons d'abord déjà dans le livre de Malachie. Je n'ai pas donné le chapitre. Nous nous retrouvons d'abord dans le livre de Malachie parce que Élie était censé venir. La personne qui est venue avec l'esprit et la puissance d'Élie. On y va? Ok, maintenant, avançons. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Stoppons là-bas. On dit qu'il ramène le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Les justes, frères, ça commence à poser problème. Je vous ai dit que votre Bible, là, vous allez la lire. Ne lisez pas la Bible seulement pour souligner ou pour passer. Lisez la Bible pour comprendre. Et la compréhension vient par la méditation. Vous posez la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Il vous guide à la parole, il dit, va là-bas, c'est pour ça qu'il disait ceci, c'est pour ça qu'il disait ceci. Et le tableau est complet. Mais la prophétie dit que Élie qui va venir va ramener le cœur des pères aux enfants et des enfants aux pères. L'ange vient dire que cet enfant qui va être devant le Seigneur, il va ramener seulement le cœur des pères aux enfants. Il ne dit pas l'autre volet. Donc il n'y a que Élie que ça concerne. Il y a deux Élie, bien aimé, écoutez très bien. Il y a deux Élie que cela concerne. Le premier Élie vient ramener le cœur des pères aux enfants. Le second va venir la prochaine fois. Ce n'est pas encore accompli, n'est pas encore venu. Il va ramener le cœur des enfants aux pères. Maintenant, les pères et les enfants du premier n'est pas le père et les enfants qu'on parle en second. C'est ça le problème là maintenant. Parce qu'il y a deux alliances, l'ancien et la nouvelle. Je viens de mettre les fondations. C'est la troisième fondation. Quand quelque chose dit est dans l'ancienne alliance et dit de façon nouvelle, ce n'est pas modifié, c'est une parole, c'est une lumière qui lui est apportée. Il dit, et le cœur des rebelles à la sagesse des justes, afin de disposer au Seigneur, de préparer au Seigneur un peuple disposé. Bien disposé. Autrement dit, toute personne qui croit à Jean croira normalement et automatiquement à Jésus-Christ qui arrive. Vous y êtes, n'est-ce pas? On peut y arriver, on peut avancer. Ok. Donc, ça veut dire qu'on a deux alliances. Dans chacune des alliances, il y a des pères fondateurs qui sont garants. Dans la nouvelle alliance, il s'agit des doctrines des apôtres comme celui-ci a dit. C'est pour ça qu'il dit que c'était exactement cela. Alors, ces doctrines-là sont tombées au courant des siècles. Dieu va susciter Élie qui va venir pour faire revenir le cœur des enfants. Les enfants, ce sont ceux qui ont été produits par là, qui retournent à la doctrine originelle des apôtres. Vous saisissez la fin? Or, l'autre Élie vient pour faire retourner le cœur des pères aux enfants. Vous saisissez, n'est-ce pas? Le père, les pères de la loi. Il va prendre la loi pour donner au cœur. Donc, quand l'église quitte, on revient encore sur la loi. Avant de commencer, elle dit que souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc, ça va revenir. Frère, la fondation est posée. On peut fermer la Bible, on peut se lever, bien aimé. La fondation est posée. Maintenant, on peut commencer l'enseignement sur la loi. On peut se lever un peu. Frère, c'est pas l'autre, c'est pas le verset, c'est pas la verset biblique. Faites comme ça, mais regarde si c'est encore si j'ai un verset biblique comme ça. Ok. Donc, bien aimé, les sœurs, là, s'il y a des rafraîchissements apportés que les saints du Seigneur prennent là, nous allons donner seulement des bonnes choses au sein du Seigneur. Si la petite corne veut persécuter le sein du Seigneur. Amen. Donc, détendons-nous pendant quelques minutes avant de commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Il est 18h. culte. Je ne sais pas si vous pensez qu'on va finir ça aujourd'hui. Que Dieu nous compte. Que Dieu nous aide à finir. Donc, mais, parce que je vais vous dire quelque chose. Si j'ai fini de prêcher vraiment ces messages-ci, ma mission normalement est finie sur la terre. Même je veux me voir. Il dit donc normalement, il dit normalement, si j'ai fini de prêcher ça, ma mission est finie. Mais le problème maintenant, c'est que ce n'est pas seulement à vous que c'est destiné. Vous dites voilà. Ok, Luc chapitre 12. Que le Seigneur vous bénisse. Donc la prochaine fois, vous serez les artisans. Donc des... Souvenez-vous, la parole de Dieu est infaillible. Vous pouvez tordre la parole comme vous en avez les tordre, comme vous pouvez tordre n'importe comment. Dieu va donner la lumière à sa parole. Vous pouvez faire dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Ça peut durer un certain temps. Dieu va donner la lumière à sa parole. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va lui interpréter sa propre parole. Amen. Le Saint-Esprit va interpréter lui-même sa propre parole. D'accord? Lorsque vous prenez les paroles de Dieu et que vous enlevez pour que la parole de Dieu fasse une chose ou bien dit une chose qui n'est pas vôtre. Lorsque vous prenez la parole de Dieu, comme par exemple le cas de, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de Dieu très haut là. Lorsque, donc maintenant si ma tenue ne vous plaît plus comme avant, souvenez-vous, c'est parce que je suis en train de porter les peines des autres. Lorsque la parole de Dieu est dite d'une certaine façon, Dieu s'attend à ce que ça soit expliqué de cette façon-là. C'est pour ça que chaque fois Dieu va interpréter sa parole, la Vierge enfantera. Pose-toi la question n'importe comment, comment la Vierge va enfanter. Vous montez, vous descendez, le moment va arriver, il va interpréter, la Vierge enfantera. C'est n'est-ce pas? Alors, s'il y a un événement dans l'histoire du monde qui est un événement glorieux, c'est l'enlèvement de l'Église du Seigneur. J'allais dire de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et si cet événement-là est un événement le plus attendu, on s'attend à ce que Dieu nous donne les explications à ce sujet. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors, comme l'un des sujets, comme parmi les autres sujets de la Bible, c'est disséminé au travers de la Bible. Donc, quel qu'en soit le cas, ce qu'il peut se faire aujourd'hui, il ne peut pas vous les donner les versets entièrement. Même si vous devez faire n'importe comment, il ne peut pas vous donner les versets entièrement. Une fois, je vais te donner les versets sur les élus. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Quelques versets sur les élus. Maintenant, on va devoir toucher certaines choses là maintenant par rapport aux élus. On est obligé. Donc, les versets, ou bien les passages parlant de l'enlèvement. Donc, l'événement de l'enlèvement dont on le voit maintenant, c'est disséminé dans la Bible comme les autres événements. Vous ne verrez dans la Bible, vous ne verrez pas dans la Bible que pour se marier, pour faire comme ça, il faut aller dans la Bible pour faire ressortir tout cela pour que le plan de Dieu soit parfait. Exactement comme le peintre. Si vous allez voir un peintre, il va s'asseoir comme ça là. Il va faire vous avec un style de pinceau. À prendre une distance avant de faire encore comme ça là. Vous voyez, ça ne vous semble rien. Mais un autre peintre vient et dit waouh, quelle œuvre de génie. Toi, tu restes là, tu ne vois pas ce que c'est. Mais quand un peintre, lui, il comprend les signes à l'action. Vous voyez ça? Il y a quelque chose qui me dérange là. Lorsque vous voulez mettre votre téléphone sur enregistrement, la première chose, vous mettez en mode vol. Vous coupez le réseau. Mettez en scène que si quelqu'un vous appelle, que ça ne passe pas. Parce que si quelqu'un vous appelle, ça va couper l'enregistrement. Donc il y a quelqu'un qui. Vous suivez? Non. Non, c'est l'enregistrement. Non, ça a fini. Je ne sais pas lequel. Pourquoi ça vous fait Michel ici? Je peux avancer, bien aimé. Donc, tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne l'Église, souvenez-vous ici, je vous ai dit tout à l'heure là que pour Dieu, le pluriel importe. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est ainsi, donc, quand vous allez voir, quand on va parler de l'Église, que si vous lisez dans la Bible, vous allez parler de l'Église. Quand l'Église est écrite au pluriel, c'est une signification. Quand c'est écrit au singulier, c'est une signification. Je crois, lorsque j'ai parlé de l'Église selon Jésus, j'en ai parlé là-dedans. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, les églises des Douala, ça n'a pas un sens biblique. Que prions pour les églises des Douala, ça n'a pas un sens dans la Bible, ça n'existe pas. Parce qu'à Douala, il y a une seule église. C'est celle-là, n'est-ce pas? Ok. Au Cameroun, on ne peut pas dire que prions pour l'église du Cameroun. Ça n'a pas de sens. Au Cameroun, il y a plusieurs églises. Donc, ça veut dire que quand on lisait au pluriel, je dis dans la Bible, là, vous lisez au pluriel, au singulier, il faut qu'on fasse attention lorsqu'il est écrit ainsi. D'accord, bien-aimés? Donc, Luc chapitre 12, nous voulons parler de l'enlèvement maintenant. Souvenez-vous, chaque fois qu'on va avancer maintenant, gardez-vous à l'esprit les piliers que nous avons mis, les fondations que nous avons mis, n'est-ce pas? Et après avoir mis les fondations là, on a pris le carburant, n'est-ce pas? Donc le carburant répond maintenant, ça veut dire que je vais faire tout pour brosser, parce que lorsqu'on prend le carburant, on sait bientôt sur le sommet qui arrive. Donc mieux, je brosse rapidement. Ok. Avant qu'on en finisse, tout à l'heure, nous concluons au niveau de Malachie, où on a parlé des pères aux enfants, les enfants aux pères. Et j'ai dit, celui-ci avait raison, il a expliqué les deux. Il y a deux Élie qui doivent venir. Et le dernier Élie qui doit venir, il doit venir avec Moïse. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous avez lu ça dans l'Apocalypse. Et vu dans Malachie, on a vu cela. Ok. Maintenant, on avance. Luc chapitre 12. Vous êtes dans Luc chapitre 12. 30 et 31, les versets là. Les versets 30 et 31. Vous y êtes? Allons-y. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Oui. 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 35. Que vos reins soient saints. Et voilà, stoppons donc d'abord doucement là-bas. Doucement, on va commencer là-bas maintenant. Que vos reins soient attachés bien les ceintures. Attachez bien les ceintures. Et que vos lampes soient. Maintenant, suivez bien tout le Seigneur qui va dire. Allons-y. Alors, et vous. Oui, et vous. Et vous. Oui. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Stoppons là-bas. Souligner revient des noces. Vous y êtes dans revient des noces. Il dit et vous, entourez-vous. Bien-aimé, c'est pour ça que je dis chaque fois que si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un prêcher, il ferait mieux de dire Jésus est mort pour le péché. L'autre là, c'est le ABC de l'évangile. Jésus est mort pour tes péchés. Repentez-vous et que soyez réconciliés avec Dieu. Pas vrai? Allez, fini là-bas. Il ferme ça. Sa soupape. Il ferme sa soupape. C'est Jésus en personne qui en est parlé dans ce Luc chapitre 12. Après avoir dit que ne vous inquiétez pas le lendemain, ainsi de suite. Ne vous amassez pas de choses sur la terre. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ici, il arrive, il dit, et vous. Je vous ai demandé d'entourer vous, n'est-ce pas? Il dit, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent. Je ne sais pas comment vous pouvez faire attendre. Encadrer, entendre. C'est-à-dire que ce soit que vous soit avec le rond, attendre soit sous la forme rectangulaire et revenir des noces soit souligné. Les trois choses, l'on doit y travailler. Frère bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, alors que vous allez écouter ceci. Nous voulons parler de l'enlèvement. D'accord? Nous voulons parler de l'enlèvement. Maintenant, la Bible déclare, vous, soyez comme des hommes qui attendent. Afin que leur maître revienne les noces. Et qu'il les ouvre. Pas vrai? Ok, maintenant, regardez-moi, on va commencer à parler. Avant d'aller quelque part. Quand je vais finir de parler ici, je vais prendre le passage parallèle. Pour que vous commencez à voir pourquoi j'ai mis les fondations comme ça tout à l'heure. Vous y êtes? Première chose. Vous, Jésus s'adresse à qui? Je veux que vous me répondez. Je vais vous poser une question. Frère Sam, il s'adresse à qui? Selon ton analyse, si tu ne connais pas, tu t'attends la même chose, je passe. À l'église. Avançons. Frère, attends, c'est à qui? Vous. Vous voyez ça? Hein? À l'église. Maman? À l'église. Si tu ne connais pas, tout le temps, c'est pas le même que je passe. Tu as dit quoi déjà? Allons-y. C'est à qui? À l'église. C'est d'ici. À parler haut de voix. Israël. Israël. Allons-y. Je ne connais pas. Je passe, elle passe. Elle passe le témoin. Je juste s'adresse à toi. Amen. Donc je garde ta réponse à toi. Allons-y. À ses disciples. À ses disciples. Dieu. Vous entendez? Il croit que c'est la même question depuis là. Attends, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit Dieu, non? Il a dit quoi? Ah, ok, ça dit ça. L'église, parce qu'il a entendu Dieu. Parce que. Oui, ou qu'ils ont. Oh, chrétien. à son épouse. Je garde ses réponses ici aussi. À nous qui serons enlevés. Je garde aussi ça. Je garde ses réponses. Il y a une réponse de qui? La sœur Martin. Aux élus. Je garde aussi ses réponses. Aux élus. Aux élus. Vous avez entendu, frère Michel? Non, pas du tout. Ok. Donc je garde ça et ça. Et puis on va étudier. Vous savez pourquoi je garde cela? Parce qu'il faut que c'est ainsi. La façon, pourquoi est-ce que je pose la question pour que ça soit interactif? C'est pour voir quand vous lisez votre Bible, c'est que vous comprenez. Parce que quand vous dites que moi je comprends que c'est telle chose, ça veut dire que quand vous disiez c'est à votre parole, c'est ça que vous allez arriver comme conclusion. Mais maintenant, quand on va se poser des questions, vous allez voir maintenant autre chose. D'accord, bien-aimé? Je prie que le Saint-Esprit puisse venir sur votre cœur pour prendre sa parole chaque fois et vous les donner. Et souvenez-vous, on ne peut pas sortir de la parole. Maintenant, la première personne qui a retenu, c'était qui? Tu as dit qu'elle s'adressait à toi. Maintenant, dis-nous pourquoi toi? Que moi je lis, je me dis que c'est à moi qu'on parle. Par exemple, on dit que Judas allait se pendre, c'est à toi? Non. Tu as dit tout ce que je lis. Donc, tu as dit tout ce que je lis, c'est. Maintenant, notre télévision continue, ça va, ma soeur. Tout ce que je lis, c'est à moi qu'on s'appelle Judas allait se pendre. Donc, si ça ne te passe pas, on s'était pendre. Ici, c'était à l'épouse du Seigneur. Pourquoi tu dis c'est l'épouse du Seigneur? Il a fait juste parler d'une parole. Il a dit que les parties ne peuvent pas préparer les noces pour rechercher son épouse. Bonne réponse. Mais sinon, Jacob, je vais te répondre là-bas. Moi, tu as dit. Ok, pourquoi? J'ai médité sur le passage là. Bon. Que votre cœur soit là-bas. Tout ça là. Et nous qui l'attendons, notre cœur est là-bas. Donc on a été enlevé avec lui là-bas. Oui, c'est avançons ici. Tu as dit aux élus. Pourquoi les élus? C'est sous réserve qu'on comprend d'abord ce que veut dire élu, n'est-ce pas? L'élu, c'est ceux qui ont été prédestinés pour être enlevés. Ok. Pour être épousés et être enlevés. Même chose, frère Michel. Cela va de soi. Cela va de soi. Je voudrais également ajouter que. Tel que la Bible même le dit que beaucoup ont été appelés mais peu l'ont été élus parce que c'est pas comme on disait tout à l'heure que ce n'est pas l'église qui sera enlevée mais c'est l'épouse qui sera enlevée. Amen. Et on comprend qu'avec l'église on a appelé beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont des chrétiens mais qui en fait quand Jésus reviendra ne partiront pas. Et quand je parlais d'élus c'est également ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous fait comprendre que pour être enlevé, il faut déjà être rempli de son esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Donc c'est pour cela que je parle de lui. Okay. Ça peut être plus sémantique, mais je crois que c'est dans ce sens que moi je parle de lui. Frère, je me complique la Bible française maintenant. Donc maintenant, frère aimé, quel est ton voisin, maintenant lisons le passage. Lisons le passage. Plongeons dans la Bible. Plongeons dans la Bible. Ok, maintenant, relisons encore le verset. Vous allez voir maintenant. Puisque le Saint-Esprit vous l'a donné là maintenant. Lisons donc le passage. Allons-y, encore, une fois de plus. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne et nous. Ok, arrêtons-nous donc là-bas. Maintenant, quand il y a enlèvement, on va où? On va faire quoi? On va? Donc, ça veut dire que ceux-ci n'avaient pas participé à la noce. Ceux à qui on s'adresse là n'avaient pas participé à la noce. Vous voyez comment tous sont tombés, n'est-ce pas? Je recommence encore. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître retourne à la de nous. Ils retournent de nous. Donc ceux-ci n'ont pas été enlevés. Ah oui, j'ai dit, dans ton voisin, tu vas lire la Bible. J'ai dit, posons d'abord nous les questions. Nous ne sortons pas encore du verset. Il met les jalons encore pour avancer dans l'enlèvement. Il dit, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que les maîtres retournent des noces. Donc la noce est déjà finie. Ah, mes chers amis, vous allez lire la Bible. Et vous, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que c'est très important qu'il pose ces questions, que nous parlions ainsi. Sinon, je veux continuer à dire qu'on a dit des choses, vous n'avez pas compris pourquoi. Parce que la Bible nous révèle là-bas que le maître qui a de revenir rentre des noces. Or, l'enlèvement va avoir lieu pour qu'on parte dans les noces. Vous saisissez, frère? Mais donc, quand Jésus a dit de parler, ceux à qui il a de s'adresser, c'est ceux qui ont raté l'enlèvement. La noce, c'est parce qu'il revient pour eux, pas pour les enlever. Oh. Église, je viens faire attention quand vous lisez la Bible. Alléluia! Alors maintenant, on peut répondre maintenant à la question, Jésus-Christ s'adresse à qui? Maintenant, vous voyez que nous sommes arrivés sur le pied, nous sommes au même d'accord maintenant que c'est la personne. On a identifié ceux à qui c'est adressé, n'est-ce pas? Ainsi donc, avec les fondations que nous avons mises tout à l'heure, faites attention lorsqu'il est dit « vous » dans la Bible. Lorsqu'il est parlé aux chrétiens, ne dites pas, ne courez pas pour dire, il dit comme ça aux chrétiens. Alors vous allez voir la Bible déclare que nous sommes ressuscités et nous sommes assis avec lui ensemble, c'est pas tout le monde. J'ai été crucifié avec Christ, je vis, c'est plus moi qui vis. Pour que ça soit réel, il faut que le Christ se manifeste lui-même en toi. C'est pas vrai, ce n'est pas pour toi, c'est pour tous ceux qui sont ainsi. Bien que tu vas lire que j'ai été crucifié, j'ai été, ce n'est pas, la confession n'est pas vraie pour toi. Vous saisissez là, n'est-ce pas, bien-aimé? Je préfère qu'on se comprenne. Jésus-Christ a dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si tu n'es pas encore comme son maître, tu n'es pas encore un disciple accompli. Vous avez lu ça dans la Bible, n'est-ce pas, bien-aimé? Okay. Je dis que je suis en train d'avancer sur un terrain difficile, mais je vais y avancer par la grâce du Seigneur. Parce qu'il s'agit de l'enlèvement. L'enlèvement. Dis à ton voisin l'enlèvement. L'enlèvement. Ou mieux, l'héritage céleste. L'héritage céleste. La bounie entre pas. La bounie entre pas. C'est sans tâche, sans péché, sans faute, irrépréhensible, rien de coupable, rien du camp de l'ennemi. C'est jusqu'à ce point-là. Aucun impur n'y entrera, dit le Seigneur. Vous avez lu ça dans l'Apocalypse. Je vous ai demandé de lire. Donc maintenant, si nous avons la Bible devant nous, bien aimés, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait ce temps, parce que je peux parler, vous avez sommé, vous ne saisissez pas. Voici votre Bible qui est ouverte devant vous. Jésus-Christ parle. Je vous ai mis la fondation. Si je commence à, chaque fois qu'il m'arrête pour poser des questions, méditez bien avec les problèmes. Parce que l'endroit où il n'y avait pas de questions, je ne posais pas de questions. S'il y a une question que je vous arrête, déjà commence à poser des questions, soyez-en sûr qu'il y a une préoccupation là-bas. D'accord, bien-aimé? Préparez-vous donc comme ça. Chaque fois que je vous arrête, quelque part pour dire, répondez à la question, méditez bien. Il dit, et vous, soyez semblables. Vous avez vu directement, vous avez vu semblables, vous avez vu une os, vous avez vu un maître. Normalement, le maître c'est Jésus. Les noces, c'est là-bas. Mais là où vous n'avez pas été vigilant, c'est que ici, le maître est en train de revenir des noces. Vous avez vu comment vous n'avez pas été vigilant, n'est-ce pas? Que le maire a dit de revenir des noces. S'il revient des noces, le mariage s'est déjà passé. Donc son épouse a été enlevé. Matthieu chapitre 25. Tiens, ton voisin, tu vas lire ta Bible. Matthieu chapitre 25. Oui, frère. Je voudrais comment dire un peu les autres versets qui suivent. Voilà, suivez maintenant. Nous trouvons dans l'étude contextuelle dont il parlait tout à l'heure. Observez. Oui, et qu'il le... Non, je ne conteste pas. Je veux... Non, pas contexte. Pas contester. Ah, le contexte. Okay, contexte. Okay, d'accord, okay. Vous avez remarqué que j'ai demandé que vous arrêtez ce matin. Je n'ai pas parlé que votre cœur soit là-bas, votre truc là-bas. Avançons, frère Michel. Je vais essayer de dire que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En fait, avant que tu ne lis ces versets-ci, quand l'apôtre Pierre a entendu ces questions, il a posé la question, est-ce à nous seulement que tu le dis ou tu dis à tous, jusqu'à continuer à parler autre chose? Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Vous dites qu'il ne veut pas dévoiler ce qu'il en a dit, mais vous devez vous laisser comprendre. Avant maintenant de lire, maintenant, c'est-à-dire que quel est ce serviteur que. Allons, frère. Quel est ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant? Oui. Je vous le dis en vérité, il se saindra. Oui. Il fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Amen. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, oui. Quel est ce serviteur? S'il est toujours bien. Amen. Donc, la question que je vais poser, c'est quand on parlait de l'église. Oui. Où ça? Quand on parle de quoi, frère? Parce que ici, là, parlant des serviteurs, oui. On peut parler de ceux qui n'ont pas été envoyés. Oui. C'est ça qui est une question. Absolument. Donc, c'est les gens qui vont connaître la grande tribulation. Oui, absolument. C'est ça qui est ici. Absolument, frère. Donc, quand Jésus dit qu'il revient là, il faut qu'il est toujours veillant. Veillant. Oui. C'est ça? Oui. Trouver qui maintenant? Il vient trouver qui? Veillant. Voilà. Donc, voilà pourquoi il était important. Ceci me donne raison par rapport à ce qu'il fallait que je mette les fondations. Maintenant, c'est que je suis en train de s'adresser. Maintenant, il s'adresse plus à ceux qui attendent les gens qui reviennent des noces. C'est là où vous allez voir maintenant que la Bible commence. Ce n'est pas le A plus A, ça fait A. Ce n'est pas ça. Voilà maintenant, regarde bien. Il dit clairement, il a dit qu'il revient des noces. On lui pose la question, moi. On dit, c'est à nous que tu parles ou c'est à tout le monde? Parce que la première a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il avait dit. Il a dit, tu parles à nous que c'est à tout le monde. Ça veut dire qu'il a compris que ce parole que Jésus venait de dire n'est pas normal. Pas qu'il n'a pas compris, ce n'est pas normal, parce qu'il y avait quelque chose qui décontait. Quand il repose la question, Jésus-Christ parle maintenant pour les élus. Parce que là-bas, maintenant, il entre à table pour les servir. Il n'y a pas deux tables. La table, c'est la table de noces. Il a fini la table, il est revenu pour prendre... Un frère Michel, il vient quand il revient de la table, c'est heureux ceux qui seront dans le rang qui vont prendre leur repas. C'est la noce là-bas. Quand il revient de noces, il n'y a pas deux fêtes au ciel. Donc, ceux à qui il a laissé sa destin maintenant, c'est les élus pour qu'ils puissent être prêts pour être enlevés. Vous voyez votre Bible, n'est-ce pas? Donc, les gens qui disent qu'il faut que lire tout le texte pour bien comprendre. Lisez, vous comprenez bien, je vois. C'est pas la livre, c'est pas la littérature ici. C'est pas la littérature. Ça concerne deux catégories de personnes. Deux catégories différentes. Ne t'inquiète pas, on va y arriver maintenant au chapitre 25. On voit maintenant, il va arranger maintenant la chose au sens, en sens inverse. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le maître est revenu de la noce. S'il revient de la noce, il a célébré la noce avec une autre personne. Et ceux-ci attendent qu'il revienne des noces. C'est ce qui nous intéresse là-bas. On est d'accord, bien aimé? Madame, ça va? Matthieu chapitre 25, lisons les 13 premiers versets. Allons-y. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'Éternel. Oui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les bras. Comme le coup tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on pria. Voici le coup, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ça ne lui distrait pas. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Soulignez dans la salle des noces. Vous avez ça bien aimé? Vous voulez, la Bible ne peut pas dire autre chose. Vous avez vu, n'est-ce pas, frère Michel? Celle qui était prête entrait dans la salle des noces, oui. Et la porte fut fermée. Oui. Plus tard, les autres vierges vinrent. Vous avez entendu, non? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Vous avez trouvé, il dit, je ne sais d'où vous êtes. Arrêtons-nous là-bas. Ne fermez pas encore ces gens, Matthieu, là. Dans le livre de Luc, Jésus-Christ a d'abord averti. Il a dit, regardez bien, il a dit, écoutez là, arrête ça là, la fille là. Jésus a dit, que vos reins soient saints. Souvenez-vous, il avait dit, l'une des armes, ce qui doit être autour des reins, c'est la vérité. Vivez dans la vérité et maintenez la flamme du Saint-Esprit. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. C'est ce qu'il vient de leur dire. Marchez dans la vérité et vivez par l'esprit. Ils n'ont pas écouté. Ceux qui ont marché dans la vérité et animés de l'esprit ont été enlevés. Il dit bien, nous sommes dans Luc 12. L'avertissement qu'il a donné. Que vos reins soient et vos lampes allumées. Parce que c'est la lampe allumée qui va permettre aux gens d'aller dans l'enlèvement. La Bible nous révèle que ces catégories-ci n'avaient pas leur lampe allumée. C'est pour ça qu'ils sont restés. Bien que c'était les vierges. Vierges, c'est parce qu'elles ont été purifiées par le sang de Jésus. C'est ici, n'est-ce pas? Ce sont des vierges. Et la virginité est liée à la famille. Il n'y a pas des endroits. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui veut que les hommes soient vierges en dehors des 144 000. Il n'y en a pas. D'accord, bien-aimé? Il n'y a pas d'endroit dans votre Bible où on exige que les hommes soient vierges en dehors des 144 000. Ce sont les femmes. La virginité a lieu à la femme. Autrement dit, c'est lié à la femme. Donc, ça veut dire que c'est une église. Donc l'église est vieille du fait que l'église est purifiée de ses péchés. Elle n'a pas la lampe. La lampe n'est pas allumée. Parce que la lampe est symbolisée par la parole. Une vierge qui est purifiée par le sang de Jésus-Christ, qui lit la Bible, mais n'ayant pas l'esprit de la Bible. synthétiser, n'est-ce pas? Donc la différence entre les églises, pour aller dans l'allemand, c'est le baptême du Saint-Esprit. Connais la parole de Dieu comme il s'en est développé comme ça, Genèse Apocalypse, c'est après le baptême du Saint-Esprit, dans l'église, tu vas enseigner quoi ici sur la terre? Dis encore. Va te mettre dans une salle de théâtre, fais ton théâtre que tu faisais souvent pour se distraire. La différence, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, dans Saint-Luc chapitre 12, il dit d'abord que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Subitement, il dit que, et vous. Alors, maintenant, frère, rentre dans Saint-Luc là, chapitre 12. Maintenant, il vient dire quelque chose, subitement, le Saint-Esprit vient. Rentre, ne fermez pas Matthieu. Regardez, j'ai dit que, oh, merci Père. J'ai dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées, n'est-ce pas? Maintenant, lisez encore ça, lisez ça. Dans Luc chapitre 12 là. Lise, va frère, monsieur, tu peux y aller. Tu ne peux pas lire. Frère Sam, tu peux lire pour nous. Luc là, là où nous disions tout à l'heure. Verset 35, allons-y. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Stop, bon. Maintenant, lis le comment ça commence le volet suivant. Et vous, stop. Il y a un problème, frère. Vous voyez, directement, c'est révélatif, pas vrai? Amen. Je suis en train de m'adresser au quelqu'un. Que vos reins soient saints. Et vous, comment ça n'a pas de sens là? Ça n'a pas de sens. Si ça s'adresse aux mêmes personnes, vous venez voir là, n'est-ce pas? Il dit, déjà ton voisin, tu vas lire la Bible. Tu vas lire la Bible. Merci Père.